Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Frédéric Chopin, la musique du cœur. Je le considère comme un musicien exceptionnel, non pas parce qu'il a du génie, parce qu'il y a d'autres musiciens de génie, mais parce que les autres, on les admire et celui-là, on l'aime. En plus d'admirer son génie musical, Chopin, on l'aime. La formule qu'utilise le musicologue français Bernard Gavotti à l'émission Entretien en 1976 est belle. Elle nous parle bien sûr du lien qui nous unit à Chopin, un lien qui part tout droit du cœur, mais aussi peut-être du grand romantisme de sa musique, car si Chopin a d'abord été considéré comme le petit Mozart de Varsovie, il est vite devenu le plus grand des romantiques de son temps. On a fait de Chopin un espèce de compositeur de salon, un peu mondain, un peu... Beaucoup de gens ont vu Chopin comme quelque chose de relativement même léger. On pense à ses valses et elles ont été interprétées. Alors, la chose qui était faite, c'était qu'on essaye de jouer Chopin très rapidement. Et pour moi, Chopin est tout sauf léger, tout sauf un compositeur de salon, tout sauf un mondain. C'est un compositeur visionnaire. Moi, j'ai une vision d'un Chopin plus dramatique, plus profond et surtout aussi de ce révolutionnaire des sentiments humains. Parce que finalement, à son époque, pouvait-il dire réellement ce qu'il était et ce à quoi il aspirait? Et je ne pense pas. Sur cette célèbre interprétation du Nocturne de Chopin par Arthur Rubinstein en 1967, vous entendiez le pianiste québécois Alain Lefebvre à l'émission PM en octobre 2014. Pour nous parler de Chopin, pour nous parler de sa musique, je reçois Françoise Davoine, amie de l'émission, animatrice à la retraite d'ICI Musique. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Pourquoi d'abord cette pièce, ce Nocturne pour ouvrir cette émission? Parce que je pense que voilà pourquoi on l'aime, Chopin. On disait que cette musique nous va directement au cœur, hein, et on l'entend bien dans cette interprétation d'Arthur Rubinstein, cette main droite qui flotte, cette main gauche assez imperturbable. C'est Chopin, ouais. Voilà, c'est ça. C'est direct, c'est pur, ça nous touche profondément dans notre intimité, je dirais, la plus profonde. Ce qui n'est pas le cas de toutes les musiques, quand même. Ouais. Et on le reconnaît tout de suite, après deux notes, trois notes, on le reconnaît. Quelle importance il a, pourquoi il est important, si important, Chopin, dans l'histoire de la musique, Françoise? Je crois qu'il l'a dit lui-même. Il a dit un jour, j'ai conquis les savants et les sensibles, il y aura de quoi longtemps bavarder. Vous voyez, on est encore ici à parler de lui aujourd'hui. Alors c'est ça, je crois que ces mélodies, cette façon d'écrire qui est très sensuelle, qui est parfois nostalgique, avec cette aura de mystère qui baigne ses œuvres, qui entoure aussi sa personne parce qu'il était plein de contradictions. Il est devenu un grand héros romantique. La Pologne en a fait un héros national. Hein. Ouais. Alors je pense que c'est pour toutes ces raisons et aussi parce que, qu'on le veuille ou non, on connaît tous et toutes une musique de Chopin, même si on ne le sait pas, d'ailleurs. Ouais. La Pologne en a fait un héros national, rappelez-vous, à juste titre, parce que même si, au fond, il a, en gros, fait toute son œuvre, enfin, la très grande partie de son œuvre, c'est à Paris qu'il va la composer. Effectivement, il est polonais. Il est né à Varsovie, tout près de Varsovie, en 1810. Racontez-moi un petit peu à quoi ressemblent ses années de jeunesse, à quel milieu il appartient, par exemple. Il est né en Pologne, donc près de Varsovie, mais de père français. Ça, c'est très important. Son père était lorrain. Son père avait travaillé pour une famille polonaise qui vivait en Lorraine et qui était revenue à Varsovie à la fin du 18e siècle et qui s'était installée là comme précepteur et ensuite comme professeur de lycée. Et sa mère était polonaise, elle, et intendante d'une comtesse. Alors, il a eu vraiment une éducation dans une famille extrêmement soudée avec ses sœurs. Il a une famille très cultivée. Son père tenait salon. Alors, il fréquentait le salon de son père. Il rencontrait tous les intellectuels de Varsovie. Ouais. Sa mère lui a appris la musique, les arts. Il a commencé à faire du piano très tôt. Il a développé des bonnes manières qu'il va garder toute sa vie. Un grand souci d'élégance, de politesse. Vraiment une très, très belle éducation. Il a été très, très aimé par les siens quand il était petit. Grand talent, talent précoce. On va très vite l'appeler le petit Mozart de Varsovie. Oui, son professeur de piano va lui faire découvrir Mozart, Haydn, Bach. Alors Bach, le clavier bien tempéré, c'est très important à dire. Ce sera son livre de chevet toute sa vie et ce sera l'album de piano qu'il va recommander à ses élèves pendant toute sa carrière de professeur. Alors Mozart, Beethoven, Bach et lui-même, il est très doué, il joue du piano dès qu'il avait 8 ans dans les milieux aristocratiques donc de Varsovie. Alors il est vite connu et à l'adolescence, il va faire de l'orgue. Et ça va développer un autre aspect de son immense talent. Il va devenir un excellent improvisateur. Puis quand on écoute cette musique de Chopin, c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est juste là, hein, on joue et puis ça sort et c'est improvisé. Alors qu'en fait, c'est très, très, très, très écrit. Ouais. À 20 ans, il n'a pas encore 20 ans en fait, Françoise Davoine, que déjà il est très connu à Varsovie. Il commence un petit peu à s'ennuyer par ailleurs. Et là, il va faire quelques voyages. Un premier voyage à Vienne qui va être important pour lui. Très important parce qu'il va avoir beaucoup de succès comme pianiste. Il a écrit déjà ses deux concertos, ça c'est important à dire. Il a à peine 20 ans. Et puis il va aller à Berlin aussi, mais là, il ne jouera pas beaucoup. Il va surtout aller à l'opéra, aller au concert. Il va vivre vraiment la vie que tout jeune homme de 20 ans veut vivre, sortir de son pays, devenir célèbre à Vienne, à Paris, hein, c'est ça l'époque. Et il va revenir à Varsovie, puis là, il va vraiment trouver que c'est très petit. Alors, il va en plus avoir la chance d'entendre en concert Paganini, le grand virtuose du violon, et pour lui, ça va être un choc, vraiment. Et là, il va se mettre à écrire, notamment, il va commencer à écrire ses célèbres études. Ouais, voilà. Ça commence donc à Varsovie. À Varsovie, ça commence à Varsovie, mais très vite, il va repartir pour Vienne. Il va quitter la Pologne en novembre 1830, donc il a à peine 20 ans, et il ne reviendra jamais en Pologne. C'est incroyable. C'est à Paris, en fait, qu'il va faire sa vie. Pianiste québécois Louis Lortie qui interprète l'une de ces fameuses études de Chopin dont on parlait, Françoise Davoine, étude qu'il commence donc à composer à Varsovie, mais il va terminer cette série d'études à Paris. Parlons de Paris, où il débarque en 1831. Comment ça se passe pour lui? Dans quel Paris débarque-t-il? Il arrive à Paris, dans un Paris où les Polonais sont nombreux à s'être réfugiés parce que ça va quand même très mal en Pologne. La Pologne est repassée sous le giron russe et d'ailleurs, cette étude qu'on vient d'entendre, hein, elle n'est pas musique de salon, elle est pleine de très grands sentiments. Chopin a toujours vu cette oppression russe comme un tourment inguérissable, il disait une blessure à jamais ouverte. Alors on en a évidemment des échos dans sa musique. Alors il va rencontrer tous ces Polonais à Paris et lui ne sera pas réfugié puisqu'il est français hein, par son père. Il aura même un peu plus tard un passeport français. Mais c'est un Paris extraordinaire quand on y pense. C'est l'époque où Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris, où Balzac publie son premier grand succès, La peau de chagrin, où Berlioz vient de faire créer sa symphonie fantastique, où Delacroix, le peintre, qui a failli être musicien d'ailleurs, va présenter au salon officiel son célèbre tableau La liberté qui est dans le peuple, et Alfred de Musset aussi, qui fait jouer son poème dramatique La coupe et les lèvres, enfin on peut continuer longtemps. Ouais. Il y a Franz Liszt, le pianiste hongrois, qui est à Paris, qui fait des joutes musicales, qui invente le récital, c'est très très flamboyant. Il y a deux maisons de piano, Erard et Pleyel, il y a trois maisons d'opéra, bref, c'est extraordinaire au plan culturel. En pleine effervescence. Oui, absolument. Capitale du monde à ce moment-là. Ça se déplace dans le temps, mais à ce moment-là, vraiment, ça se passe beaucoup à Paris. Un petit mot quand même, pour vous parler de la Pologne, de ce sentiment qu'il a quand la Pologne retourne, est envahie par la Russie, redevient possession russe. Il va passer toute sa vie à Paris. Vous le disiez, il ne retournera jamais en Pologne. Ouais. Quelle place occupe, quel rapport il va avoir avec la Pologne? Il s'est toujours considéré comme un Polonais. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il n'ait jamais retourné en Pologne? Il a toujours suivi tous ces événements de loin. En fait, je pense que ça parle aussi peut-être un peu de sa personnalité. Il était quand même assez solitaire. Et lui, il était artiste, en fait. Et ce qu'il voulait, c'était s'occuper de musique. Alors, il avait plusieurs amis avec lui quand il est parti à Vienne. Certains qui étaient retournés en Pologne quand les événements politiques ont un peu viré et ouais. que les Russes ont repris du pouvoir en Pologne. Mais lui, non, il n'est jamais allé là. Il n'est même jamais retourné voir ses parents en Pologne. La seule fois où il va revoir ses parents, c'est à Karlsbad, 5 ans après son arrivée à Paris. George Sand avait une phrase qui peut-être explique un petit peu pourquoi il était en même temps très lié à tous ces Polonais qui étaient à Paris. Il avait des amitiés très fidèles avec des poètes, avec des artistes polonais, avec des penseurs polonais, des intellectuels qui vivaient en France. George Sand disait « Il n'a jamais vu juste les faits, ni compris la nature humaine. Son âme est toute poésie et toute musique. » C'est peut-être une amorce de réponse. Ouais. Cela dit, il va devenir, on le disait au début de l'émission, pour les Polonais, un monstre sacré. Sa vie parisienne, vous en avez un peu parlé. Vous avez parlé surtout du contexte dans lequel il débarque à Paris. Ça ressemble à quoi, cette vie parisienne de Chopin? Il est accueilli à bras ouverts par la communauté polonaise et il va vite devenir le professeur de piano de l'aristocratie polonaise qui est installée à Paris. Et ça va lui convenir parfaitement. Il va devenir l'un des pédagogues les plus recherchés et les mieux rémunérés aussi, c'est important de le dire. Alors, il se produira très peu en concert. Il ne va pas donner plus d'une trentaine de concerts dans toute sa vie. Il va vite découvrir, en fait, il n'aime pas du tout monter sur scène. Il n'aime pas les foules. C'est le contraire de Franz Liszt. Ouais. Je me disais, si aujourd'hui, ils avaient vécu, Franz Liszt, il aurait été animateur de talk show à la télévision. Ouais. Puis Chopin, il aurait fait de la radio, comme vous et moi. Ouais. Voyez. Vraiment, c'est vraiment ça, un petit peu. C'est le contraire. Alors, il n'aime pas les grandes salles. Il n'aime pas les foules. Il n'aime pas trop les voyages. Ce qu'il veut, c'est composer. Et il fréquente beaucoup, beaucoup les salons. Vraiment énormément. Alors, il vit une intégration très rapide, très réussie. Il va devenir la grande star des salons parisiens. Et puis, on le reconnaît par son talent. Il va jouer très souvent, très tard le soir. En fait, il joue ses propres compositions. Il improvise. Et quand il y a des Polonais qui sont dans ses salons, il va jouer des polonaises, des valses, des tas de choses comme ça. Ouais. Donc, en fait, il s'est fait tout un monde à Paris dans lequel il évolue parfaitement. Ouais. Avec certaines contradictions, vous le disiez, un côté un peu, il n'aime pas la scène, un côté un peu solitaire, mais en même temps, très entouré, il a plein d'amis. Oui, il a plein d'amis, il a une vie très mondaine, hein, il reste. Et puis, par exemple, il était très préoccupé par son image, il n'était pas facile à vivre, on dit, il paraît qu'il était très exigeant. George Sand disait qu'il pouvait parfois être même tyrannique. Il avait de l'humour. Et une chose est claire, c'est que s'il était très, très, très fidèle en amitié, s'il avait beaucoup d'amis, dans ses relations amoureuses, ça, il ne s'est vraiment jamais imposé. Et puis, son ambiguïté sexuelle a quand même fait couler beaucoup d'encre. Hein. On ne peut pas ne pas le mentionner. Et on l'a souvent qualifié d'ange. Hein. Alors voilà, ça, c'était Chopin. La polonaise héroïque interprétée par le pianiste Evgeny Kissin, la musique de Chopin, Françoise d'Avoine. Parlons-en, on vient d'entendre toute l'ampleur qu'elle peut avoir, cette musique-là. Comment la décrire? On ne parle pas seulement de feu d'artifice hein, chez Chopin. Il y a ce côté-là, bien sûr, il y a ce côté héroïque. Hein, on a envie de se tenir droit quand on écoute une polonaise comme ça. Mais il y a aussi un toucher délicat. Il n'y a aucune sonorité criarde. Il y a des sonorités qui sont nuancées à l'infini. Tous les musiciens sont tombés sous le charme hein, quand Chopin était au piano. Même Liszt, d'ailleurs, qui était un de ses grands amis, qui a même écrit un livre sur Chopin. Alors, cette musique, eh bien, c'est le piano qui chante comme à l'opéra, puisque Chopin adorait l'opéra. Et puis, c'est une musique qui concilie des élans qui ne sont pas toujours facilement compatibles. C'est une âme très romantique, Chopin, mais qui aime aussi tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est classique. Hein. C'est un musicien très spontané, on l'a dit, c'était un improvisateur, mais il est amoureux de la perfection. Et on dit qu'il pouvait... Ça devenait obsessionnel chez lui. Il trouvait une mélodie, mais après, il pouvait passer des semaines et des semaines à raffiner, à écrire. Il n'y a jamais une note de trop. Le discours est réduit à l'essentiel. Sa musique, elle est à la fois simple et aristocratique, elle est à la fois populaire populaire et savante, elle est à la fois riche et très épurée. C'est ça, en fait. Ouais. Et ce qui est extraordinaire chez Chopin, c'est qu'il c'est l'artiste de la miniature. La plupart de ses œuvres font moins de 10 minutes. Hein. C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est comme un orfèvre. Il va passer sa vie à peaufiner. Mais en fait, finalement, ses symphonies, bah, c'est des ballades. Ses opéras, bah, c'est des mazurkas, des valses et des polonaises. Voilà. Et le piano, toujours le piano. C'est Chopin. Et il le savait très tôt. Il l'avait dit, il était encore en Pologne. Sa vie, c'était le piano. Et le piano de Chopin, bah, c'est le phrasé, c'est la respiration. C'est toutes ces inflexions dans l'incroyable diversité aussi de toutes les atmosphères, hein, de la palette sonore, le toucher. C'est tout ça, Chopin. C'est tout ça. C'est pour ça que c'est profond. C'est une musique extrêmement profonde. C'est vrai qu'Alain Lefebvre le disait au début de l'émission, c'est pas du tout quelque chose de léger, en surface, qu'on joue comme ça sur un piano, dans un salon seulement. Mais c'est quelque chose de... Il y a un message, le message d'un être humain, plein de contradictions, qui est très profond, en fait. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous touche tant. Ce prélude de Chopin qu'on appelle « Goutte d'eau », c'est à Majorque qu'il va le composer alors qu'il y séjourne avec Georges Sand. Vous avez parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission de Georges Sand, qui sera le grand amour de sa vie. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. La grande relation, on va dire. Et on ne peut pas, évidemment, passer à côté de cette relation quand on parle de Chopin. Parlez-nous un petit peu comment décrire cette relation-là, Françoise Davoine. C'est d'ailleurs Franz Liszt et sa compagne, Marie Dagou, qui vont les présenter l'un à l'autre. Alors, Franz Liszt et Marie Dagou, c'était vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. C'était le grand séducteur, la femme mariée, ils vivaient hors mariage, ils voyageaient, ils ont eu des enfants. Enfin bon, Chopin n'était pas du tout comme ça. Lui était beaucoup plus réservé, hein, comme personnalité. Alors lui avait 26 ans et Georges Sand avait 32 ans. Et la première fois que Chopin a vu Georges Sand, il a vraiment eu une très mauvaise impression. Hein. Oh, il disait, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est vraiment une femme ? Hein, bon. Et Georges Sand était célèbre à l'époque. Elle avait déjà publié plusieurs romans. Elle était très engagée dans la sphère sociale, politique, etc. Mais ils vont quand même se revoir et ils vont peu à peu se lier officiellement. Et 2 ans plus tard, ils vont sceller leur amour, leur idylle, par un voyage au soleil, loin de la grisaille parisienne et loin d'un amant de Georges Sand, parce qu'elle avait une vie très olé-olé, disons aussi. Et ils vont s'en aller à Majorque, donc sur la côte espagnole, avec 2 enfants de Georges Sand, ces 2 enfants. L'Espagne était très, très à la mode à cette époque. On peut se demander pourquoi ils ne sont pas allés en Italie pour voir le soleil, mais bon, ils ont choisi l'Espagne. Et ça s'annonçait absolument merveilleux. Et Chopin a écrit à un de ses amis polonais, « Je suis près de ce qu'il y a de plus beau au monde. » Mais finalement, ça a été un fiasco total. Le temps est devenu maussade. Les habitants de l'île n'ont pas du tout été accueillants. Le piano qui avait été promis par la maison Pleyel a tardé à arriver. Ouais. Chopin, qui était atteint de tuberculose chronique, est tombé malade, les médecins étaient très pessimistes. Bref, tout allait mal. Et c'est pourtant là qu'il a écrit, qu'il va compléter vraiment, je pense, c'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre, les 24 préludes opus 28. Ce sont 24 micro-univers, ce sont 24 états d'âme dans toutes les tonalités possibles qui sont vraiment mais ciselés avec un soin incomparable. Et c'est là qu'on réalise à quel point Chopin a chanté tout ce qu'il a ressenti. Et vraiment. Majorque, en fait, ce voyage-là, c'est un petit peu à l'image de ce que sera cette relation difficile, au fond. Ils vont être presque quoi? Presque 10 ans? 9 ans ensemble. Par contre, oui, difficile, mais par contre, dans la maison de Georges Sand, dans le Berry, à Nohant, qui était une magnifique maison, on peut quand même dire que Chopin a trouvé une sorte d'équilibre. Là. Ça va être des années vraiment riches, productives aussi pour Chopin. On a l'impression qu'il mate un peu ses démons intérieurs, on a l'impression qu'il mate un peu aussi sa a tendance à toujours broyer du noir. Et il retrouve les plaisirs d'une vie à la campagne. Il y a beaucoup de visites. Il y a beaucoup... Imaginez ces soirées-là, hein, avec Liszt, avec Delacroix, avec Berlioz, Chopin, Georges Sand, les amis, etc. Ça devait être extraordinaire. Et puis Chopin, à la toute fin de la soirée, qui se met au piano. Et j'aurais vraiment voulu être une petite souris pour voir ça. Hein. Mais il est malade, oui, Chopin. Et puis il y a aussi des chicanes familiales, parce que les enfants grandissent, puis il y a des chicanes de famille qui sont de plus en plus fréquentes. Et Georges Sand va se lasser un petit peu de cet homme malade aussi qui est en déclin. Qu'est-ce qu'il va devenir après la séparation? Après la séparation, en fait, il va rester à Paris. Il va faire un bref voyage à Londres, un autre en Écosse, mais il va revenir épuisé. Et puis, comme il est tuberculeux depuis qu'il est jeune, il va décéder très jeune, en fait, hein, à Paris. Il a 39 ans. Hein. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Sa tombe, encore aujourd'hui, est toujours fleurie. Et son cœur a été rapporté à Varsovie, dans un des piliers de l'église Sainte-Croix. Donc la double identité, le corps est en France, le cœur est en Pologne. Est en Pologne. Et Chopin est un héros vraiment pour les deux pays. L'héritage, qu'est-ce qu'il nous laisse, Frédéric Chopin, sur le plan musical? C'est un visionnaire. Avec Liszt, il a vraiment transformé la technique moderne du piano. Il a vraiment créé un monde pianistique nouveau. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Ça va nourrir les œuvres de toute une génération de compositeurs. Je pense à Debussy, qui a écrit des études et des préludes aussi. Je pense à Ravel, je pense à Rachmaninoff, bien d'autres. Et puis sa musique est certainement, avec celle de Bach, la plus jouée par les musiciens, encore aujourd'hui. Hein. Autant les professionnels que les amateurs, vous avez qu'à aller sur YouTube pour vous en rendre compte. Et puis comme je le disais au début de l'émission, je pense qu'on connaît tous au moins un air de Chopin, même sans le savoir, tellement sa musique a été utilisée au cinéma, dans les publicités, par les musiciens de jazz et par les chanteurs populaires aussi. Hein. Sans oublier toutes les chaînes musicales maintenant Tino qui Rossi, existent. Françoise et Tino Lavoine. Rossi, est-ce qu'on peut finir l'émission Tino Rossi. On vous fait plaisir. Hein? Tino Rossi qui va donc chanter sur la musique de Chopin. Enregistrement pour vous, Françoise, de 1939. Tino Rossi et sa chanson Tristesse. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Merci également à toute l'équipe. Mathieu Beauchamp à la réalisation. Caroline Morin et André Martineau à la recherche. Recherche d'archives Mario Bolduc. Au site Internet Ronald Georges. À la technique Martin Massé. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. L'ombre s'enfuit, tout n'est que songe, et tu n'es plus, malgré tous nos désirs, qu'un souvenir. Si l'amour n'est que mensonge,